comprendre qu'il est temps de se détendre. Tu voulais te défendre, mais qu'est-ce que tu veux faire à part tendre l'oreille? Un son si tendre que t'en oublies ta cendre. Vas-y, viens dans ta chambre et va fendre ton oreille, car c'est le son qui détend. Ce son détend vraiment. C'est le son qui détend. Tu veux jouer les tendus, mais t'es fou, t'as pas vu que si on dormait pas, on t'aurait déjà pendu. Ouais, t'as de la veine en fait, parce que c'est soirée verveine en fait. Mange ta coco et roule plutôt un gros pet. Ce soir on va se mettre le crâne en miettes, alors tire tes feuilles et ta camomille, t'es prêt pour la compète.